au grain du samedi. Mon faux. Je suis pas obligé de serrer ta main, Kabore. Diagoyali, tu n'es pas musulman? Je suis musulman. Non, ne comment il faut avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle, qu'à fois, voilà, c'est pour expliquer. Salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Salam alaikum. Ouais. Je comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas quoi? Je viens, je te parle, moi, pas moi, tu comprends pas. Tu comprends pas, non. Lui, il s'apprend pour qui? Moi, tu as là, comme il te prend pour qui? Toi, m'apprends pour venir ici, n'importe qui, ouais, c'est debout, moi, on va parler mal. Si on... Il a parlé, moi, Marie, et soit boué, ou non, va ça frapper ici. Faut pas faire ça. Korabou, tu m'attendais au carrefour quoi? Eh, m'y attendais. Au grain du samedi, tous les samedis 20h35 et les mardis 16h15. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Allez, il canon que chaque jour que Dieu fait. On découvre les choses de le Coran, ni tu n'as pas le Wahia. Est-ce que tu vois? Le Nouria, tu peux pas voir. Est-ce que tu sais que ni que le Coran est très bien, lis bien le Coran très bien. Dans la sourate l'homme de Kounul Lazina, l'homme de Kounul Lazina, kafaru min ahli le Kitab wal Mushrikina, final jahannam. Et maïwa, sourate le Kounon, alako, akouwa ma umiru, il a lié Abdullah, muhlisina lahoudina hunafwa, wa yukimu sharata, wa yutu zakata, wasali ke dinil kaima dina banaya ici là l'islamaya be banaya ako wa yukimu salat wa yutu zakat fa ni kaselike kaseligo kajarabo shiramaya bana wirola ke we kine na khafiye yuma yake tu na pa ke shal ikana mutu bugo otala kula na kote wa yukimu salat wa yutu zakat dinil kaima ko din tele le religion de le droitir c'est ça qui est ici. Alors, vous attendez, vous ne connaissez pas les choses. Attendez, le surat ça là. Quran a ni aïe ouare koumè djigé kafale ni kan. Quran a yere koumbanaya. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais que l'islam, c'est le salat avec le zakat? Mais Kaoré. Oui. D'accord, l'islam. C'est le salat avec le zakat. Donc, qu'est-ce que tu fais du jeûne? Qu'est-ce que tu fais du pèlerinage? Non, ouye, ça c'est les paroles. C'est comme les morocola. Et puis maintenant, ils cherchent les pommades. Pour se promater, pour être du lien. Sinon, Djagoyate. Djagoyami, c'est qui est obligatoire, c'est ça qui est écrit. Ako wa yukimu shalata, wa yutu zakata, wa zalika din le kaima. Là, wa kubaru. Non, tu m'as dit là, quoi, ni yere besira, ni yere yéjik. Moi-même, j'ai peur de moi. Loni, wa le kujugu. Est-ce que tu vas? Je sais que tu es en train de raconter des histoires. Dans ce verset là, d'où est le surat? Oui, mais tu sais, hein? Tu vois, je te dis tous les jours, oui. C'est bien de citer les versets. Oui. Mais encore faut-il les comprendre. Mais si je comprends, Kurana yale baïere mankutu. Abaïere, Dieu il fait ce propre commentaire. Le verset il est clair. Il dit Wama Umiru. Il est lié à Abdullahi. Muhulsina. Lahudina huna foi. Ou yukimu shalata wa yutu zakata zalika dinil kaima. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Oui. Mukhlisina. Oui. La liya'budullaha mukhlisina lahudinul huna foi. Il est calé là, tiens, bouleke. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina huna foi. Huna foi. Ou yukimu shalata. Ou zakata, ou zalika din le kaima, din shaka. Mais la mention illa liya abudullah mukhlisina, toi tu en fais quoi? Adorer Allah avec sincérité. C'est vrai, donner la zakat, faire la salat, masha'Allah, ce sont deux éléments importants, n'est-ce pas? De la ibada dont Allah parle ici. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais en réalité, Kabore, si toi tu te limites à la zakat et. À la prière, à la salat. Mais finalement, il y a plus 5 piliers de l'islam. Est-ce que 5 piliers comme on faut l'année? Avec ce que cette verset il est expliqué, explicité. Imaïwa, est-ce qu'il y a discours, il n'y a pas de retard là? Kabore, c'est vrai que les versets du Coran sont là. Wanigaram. Korabo, pardon, ferme la porte. Ferme la porte là-bas là. Là, il est là. Voilà. Non, Olivier, what a garam. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, il n'a qu'à arrêter de rire. Il n'a qu'à arrêter ça. Non, I have get to her. Il faut le dire, il faut le dire. Tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il te demande d'arrêter. Non, j'ai appelé. Regarde, Dina Karamoro, ne armade un Karamoro. Je n'aime pas ça. Mais quel problème? Il faut arrêter ça. Non, j'ai arrêté. Si tu n'as pas arrêté ça, si tu n'as pas fait le mal, vous n'avez qu'à enlever mon âge. Tu vas même piliquer. Hey, il faut arrêter ça. Est-ce que tu me vois encore bien? Franchement, il faut rentrer. Mais tu as eu quoi même? Qu'est-ce que tu as? Tu es obligé de demander au bien. Tu vas le dire dans le cas arrêté. Je te vois dans cet état-là. C'est tout à fait normal que je te demande ce que tu as. Ta bouche est enflée, ton œil. Tu as des plaies partout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es battu avec quelqu'un? Non, il s'est battu avec quelqu'un. Hey, camarade. Si j'étais quelqu'un même, je peux comprendre. Hey, camarade. Allez, de Guinée, on est allé là. Hey, camarade. Je n'aime pas ça. Ouais, je suis goulé d'un petit fille comme ça. N'est qu'à y quoi, hein? Hey, camarade. Alors, même s'il est tombé sur un wave, si j'ai fait le terrain, allez les caméras, Kati. Quand on regarde la chanfe, quand l'un des milliers, il n'a qu'à arrêter ça. Oh, il n'a qu'à arrêter ça. Si tu es carton, parle encore. Mais il faut arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne lui plaît pas tant aussi, Kabore. Il ne faut pas exagérer. Non, parce que tu ne peux pas. Ni Kumbi ou Yorola. Tu vas dire, il faut qu'il y ait le fara. Mais toi, tu regardes comment il est blessé. C'est pas comment il est blessé. C'est qui l'a blessé là qui fait lui. Chungourou Dieni Bassadet à Djalamani. Dieu gobelé, attends, c'est caillou. Toi aussi, une petite fille, qui ne peut même pas soulever un petit gobelet d'eau, qui frappe Korabou. Cette logique-là vient de. Cette logique-là vient de là à Tignembe. Ni m'a fait Milon. Ni aïeux sont Karamoro. Vous n'avez qu'à respecter les Karamoro. L'on veut moule là. Aïe, bouya. Tichénien, Kata, Liburu, Yini. Avec moi, tu viens, tu expliques, tu dis bon, maintenant, on va commencer maintenant à chasser les djinns. Quand même les djinns, qu'on va chasser les djinns. Comme nous, on a un à Tchébara, on a un nous, on a un doyé, et moi, mais, on couille, tu viens, Antara, on a ma prise, c'est comme aller les cabons de louer, comme aller les cabons de yini, pour mettre tous les accessoires de la maison, maintenant, à Kabara d'Amene. Quelle maison ça? Vous avez déménagé, vous avez pris une maison, ou bien oui, un bel roki à parler de quai. Macha Allah. Fais le roki. Demaïwa. Ah non, calante, on connaît. Maintenant, mais toi, quand tu es comme ça là, tu te parles de toi, Karamoro. Tu me sasses. Croyez-moi. N'est-ce que moi, je suis sorti de laisser là-bas, lui avec la petite là. C'est la petite là qui est en train de. Hey, Imam. À quel endroit? Il a dit que oui, alors. Bon, je t'explique. Voilà, c'est quoi qui s'est passé? Kurabu, est-ce que tu vas pas rentrer te reposer? Pourquoi pas rentrer pour me? Pourquoi tu te fous de moi comme ça? Mais pas le mal. Mais c'est moi qui t'as moi. Tu es là, tu dis. Mais Kurabu, regarde comme tu es. Mais comment? C'est comment? Hein? On a commencé à faire toutes ces blessures, ces enfouissures ta tête là. Va te reposer. On a commencé à faire le travail de Worokia. Le travail de Worokia là, on a commencé. Maintenant lui, Kabore là. Qui est le Nouriala? Tu es malade. C'est toi qu'on a blessé au bébé. Attends, mais Korabou. Depuis quand vous là, vous faites la Rokia? Depuis quand? Et Karamoko Toriade. Non, n'est-ce que nous avons fait la Bédé? Depuis quand? Est-ce que pour faire la Rokia, on a besoin de quoi? L'on était quoi? L'on est Benawa. Est-ce que je n'ai pas les connaissances qu'il faut pour faire le Rokia? Allez le match est trop loin, c'est lui qui n'a pas dit faire. Vous aussi à la connaissance pour ça. De la connaissance. On l'a appris ça. Toi tu as appris ça où? On connaît. À la bise c'est bon, on a un qu'on a le gundo. Est-ce qu'il y a quoi qu'à gérer? Je peux t'expliquer. On a fait ça, le Rokia là. On a fait ça pour beaucoup d'hommes. On fait ça toujours. Et comme tu sais maintenant, ça gagne beaucoup dedans. Donc Kabore et moi maintenant, on a décidé de faire le Rokia. Bon, maintenant les Orokia là, quand on a commencé à faire les Orokia là, la fille là, quand elle est venue, c'est un film même là, lui-même il est trop malheureux. Quand le fils est venu là, déjà les aînés qui est dans sa corps là, c'est plus vieux que même nos grands-papas. Et moi, c'est un aîné chinois dans sa corps. Et moi, c'est ça que j'ai commencé à prier maintenant. Caboret, pourquoi tu es sorti pour me laisser? Il ne m'a pas fait boire. C'est quand j'ai dit de sortir là, tu pouvais pas rester. Tu peux pas rester. T'es obligé de sortir ou bien. Et lui, il n'a qu'à sortir, c'est lui qui a créé son maison. C'est lui qui s'occupe de tout ici. Allez, il va courir ça là. Alors que moi, j'étais un simple carnaval, mais je n'ai rien. Comme à Kakala, comme je l'ai appelé paix, il a paix qu'il a pris, plus les livres qu'il a amassé, c'est de ça qu'il croit que maintenant il me paie. Oui, mais la fille, son pareil, il a l'argent. C'est moi qui l'ai venu voir. C'est moi qui l'ai venu, c'est moi qui l'ai venu voir. Toi, tu as fait maintenant, Jahiliya là. Pourquoi tu vas les roquiater? Oui. Toi, tu as pris la roquia où? Alors, allez, quand tu parles ça me dérange, ça me dommage. Alors, subhanahu wa ta'ala, quoi? Quoi est-ce qu'il a allé à l'agne? Abena Okala, Femi Akumolo, Abena Okala, Gundoko, là, il va vous apprendre ce qui est caché. Imaïwa. Et puis nous autres là, on a ça. Nabena, Abena Kumwahia. Abena dit que ça descend tel comme ça, comme la prophétie. Et on découvre ce qui est caché. Quelle moyenne? Imaïwa. Nous, on a trouvé ça, c'est les djinns, c'est pas parce que ça, là, ça n'a pas marché. C'est faux. C'est trop ça, c'est quel djinn? Hein? La semaine qui passait là, le monsieur qui a tiré ton cou là, tu es allé où? Tu es allé où? Non, allez écoute, c'est Seligi là. Comment il n'était pas à Seligi? Il n'était pas au Abilisson. Il n'était pas à Abilisson et puis il était serré la coupe. Et puis c'est la maginette. C'est quoi ça? Hein? C'est la maginette. Et puis il est en le Kadjougou. Allez, t'as je comprends. Après, c'est homme à homme. Et moi, pour moi là. Oui. Pour moi là, c'est qui a fait les Guinées là, il m'a oui. C'est que les filles là, c'est un fille. Oui. C'est ça les Guinées, il m'a oui. Des filles comme ça qui vont te faire. Quelle petite fille, tu es malade? Abandonnez, il est là. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du Samedi. Vous savez, oui. Je pense qu'il faut faire très attention, Kamore. Vous savez, en fait, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est devenu presque un phénomène de mode. Hein. Où ça? Il suffit de regarder à droite, ouais. Tout le monde devient raqi. Voilà. Tout le monde devient qui? Raqi, tout le monde devient pratiquant de la ruqya. On regarde à droite. Tout le monde devient pratiquant de la ruqya. Oui. Et on se dit que certainement que comme il peut y avoir de l'argent dedans, donc on va s'engager. Mais il faut faire très attention. Mais Kola Bouton, tu as eu la chance. Mais il est devenu pratiquant maintenant. Mais hein? Tu m'as jamais dit qu'il est pratiquant. Non. Pratiquant de quoi? Karaté là. Je dis pas. Que tout je parle de pratiquant de la ruqya. Je peux pas dire de pratiquant de karaté. Guinée Karamoriani. Je parle de Guinée Karamoriani. Beba qui est la tita. Mais bête de y a Moro Kasha. Mais alors nous quel obé nous autres nous connaissons ça aïe obé qu'on a nous en bas ouélé imaginez en bas ouélé abena moi de part j'avais voulu que lui il laisse les capteurs aller le bidiner le soir alors ne pas ouélé mais ne hakili là moi je ne suis pas bête tu m'as fait capter un guinéen là bas un guinéen têtu là quand il est rentré dans mon coin il est rentré avec courant ah ça te fait il écoute ce légis là ça te fait ça le guinéen il est descendu avec la fée dans mon coin. Voilà, c'est l'état que tu es ici au fond de moi. Non, capitaine. Quand tu plais rien. C'est pas normal. Quand c'est comme ça, il qui est tout seul, il dit là. Il veut tout, nous n'avons qu'à fournir pour pouf. Il dit là, voilà, nous n'avons qu'à fournir. Quand il rentre dans ta quoi là. Kaboré, oui. Ce que je veux vous dire. Oui. En fait, vous êtes en train de jouer à un jeu très dangereux. Mon dieu, dangereux, tu as dit. Maintenant, c'est de la sang, je te comprends jamais. Ni moi, à Kayoro Bédatougou, il n'y a pas de mosquée pour diriger. Je voulais devenir l'imam de mosquée Salam. Pour prendre un grand comme Yézin. Quoi, parce que l'imam dit qu'il est devenu quoi? Rater. À quoi non? Rater, qui est toujours l'imam. On a quitté dans ça. J'ai envoyé mon Zimbo, les enfants, pour aller faire le fils de Béni là devant les mosquées, les mendiants. Tiré au Fana Haramu. Maintenant, à la Kalon Mindien, le connaissant que Dieu nous a donné, qu'on n'a qu'à utiliser pour se nourrir. C'est ça, on utilise c'est maintenant. Plus, on va mendier aussi. Non, Otoy. C'est quel métier maintenant on veut qu'on a café? Les non, Otoy. Alors, il est à côté maintenant. Vous décidez quoi? On peut se la main naturelle, l'on bécata. Ni vous voulez qu'il y ait quelque chose qu'on a. Avant qu'il y ait un gribouillaké. En voulant, nous allons-y. Ce que Dieu nous a donné, le connaissance. Kaboré. Oui. Moi, je n'ai pas dit que la ruqya, c'est haram. Subhanallah. Effectivement, la ruqya aide beaucoup de personnes. Ah. Non seulement à résoudre leurs problèmes, mais surtout à rester dans le canevas indiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Mais si tu ne connais pas une science, tu vas la pratiquer pourquoi et comment même d'ailleurs? Moi je comprends pas. on connaît Walegram, mais il n'a pas suivi le règlement. Toi Kabore, mais toi tu connais quoi de la Rukia? Ne tenez pas de dire que je connais les versets du Coran. C'est le don de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Alem Sitoko, il me connaît. Moi je pense que les génies là aussi, ils doivent se revoir maintenant. Ils te connaissent. Tu peux descendre dans le corps de quelqu'un, tu ne peux pas venir le brûler. C'est pas bon. Ils ont fait moi mal. Il est descend à moi, ni t'as moi. Faut y avoir fou. Korabou. Hein? L'ébullition là, oui. Korabou. Hein? Qui t'a envoyé? Comment? C'est pas un métier? Tu n'as pas fait ça. Comment on va gagner l'argent? D'accord. Actuellement, la jeunesse, tout le monde fait ça. D'accord. C'est nous qui on a commencé au Mais voilà, d'accord. Pourquoi tu me dis ça? Hein? D'accord. Toi, c'est tu veux être imam. Toi, c'est tu es guide religieux. Toi, c'est tu guides tout. Et que nous, on va à Rukia maintenant. Où est la problème? Est-ce que moi, je t'ai dit que je fais la Rukia aussi? Mais tu fais pas la requête, tu dis qu'il faut plus de faire mandia. Faut plus de mari. Mais attends, vous décidez quoi dans nos sommes. Korabou. Oui. Korabou. Oui. Mais c'est dangereux, c'est ce que je t'explique. C'est pas qui est dangereux. Mais tu vas te faire mal. Et toi, attends. Mais voici la preuve là. Toi, attends, il manque, qu'est-ce que tu fais du Ozeni? Hein? C'est pas bien. C'est elle qui nous a créé, nous tous. Pourquoi tu fais descendre dans le corps de ton camarade avec la fille? Mais Korabou, qui t'a envoyé dans le corps? Faut pas me dire ça. Qui t'a envoyé dans le corps? Où tu es assis là, même si tu es imam. Si la génie l'a rentré dans ton corps tout de suite, pour me voir, ça te rend compte. Tellement ça quoi, il est chaud. Est-ce que ça c'est bon? Mais John le Kichi. John le Kichi, oui. Mais alors, donc dans ce cas-là, ne te plains pas. On va pas manger ou bien? Ce que tu as cherché là, tu as eu ça? Là, il a ma femme de Rasoulullah. Alayi, qui est l'imam? Ibe imamala. Sira Allah yere. Itakullaha hakatukadehi. Lawa sayaganti. Tukali hilami. Wala tamutunna ila wa antum muslimuna. Ato silama yaka. Sen sigile frendi silama dille. One gram wallahi silamalu. Abe chéri. One gram te. Même un ou la quatre le manque pas. Sauf na te sili gila. Walma na te gina bala. Ema yewa. Et ça arrive tout le monde. A sigile frendi. Le peu de connaissances que j'ai donné. Et puis on a créé les sociétés. Pour chercher licitement. Parce que ça, on le gagne de façon halal. Alors moi, quand on voulu qu'on a tiré, c'est pas parce que tu connais rien dans ça, que nous, tu vas nous condamner. Et si nous sommes ça peut arriver un jour, tu vas venir nous voir que ouais, Wangaram. Vraiment, vous n'avez qu'à s'occuper de nous. Est-ce que nous, on va dire non, on ne peut pas te faire ça? Nous, on n'est pas ingrats. Dis-nous quoi tu es. Mais tu sais qu'il faut que tu dis quoi tu es. Mais, John Coco. Ah, ouais, mais que là, tu le dis, ou l'insaïde, il y a Abudouna. Quoi, non, comment? C'est Illal Yaabudouni. Illal Yaabudouni. Ah. Mais ce que je veux... Est-ce qu'il n'y a pas Boudou dedans? Moi, tu ne peux pas comprendre ça. C'est même Boudou là. Vous mettez les dents en arrêt. Ah, mais c'est... On va pas là. La génie, mais... Voilà, c'est pour ça que tu as eu ce que tu as eu là. Allez, papa, non, mais... Tu as vu ce que tu me dis? Mais de te dire quoi? Ok, Inch'Allah. Si je n'ai pas brûlé les graines, ça là. Non, si je n'ai pas brûlé, enlevez mon nom dans Non. Non, non, non. On va venir envoyer ça ici. Voilà. Il y a le djinn. Tu vas venir les trouver en train de fêter ici. Ton nom est où ça dans le Coran? Si tu n'as pas. Toi, ton nom est où ça dans le Coran? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Comment on est comment? Mais attends, Korabou. Oui. Et puis je ne sais même pas pourquoi même tu viens t'asseoir ici pour te plaindre. Tu es plein de quoi? Quelque chose que toi-même tu es allé chercher. Oui. Mais vas-y. Mais pourquoi toi tu n'as rien dit? Tu veux que je dise quoi? Tu peux pas me donner conseil? Mais c'est ce que je suis en train de faire. Non. Et c'est maintenant que tu fais ça. Iba Nenanalo. Iba, tu es en train de se moquer de lui. Mais c'est pas qu'il te moquait de lui. Non, c'est parce que moi, lui avec moi, c'est le Zimbo. On travaille ensemble. Parce que la fille qui est venue là, wallahi son papa là. Non, Wali Kote. Adina, son papa a beaucoup de Dina. Wali bini ka afafa. Mais oh, bon, tu sais, Wali Fana Tumadouana Shitana Felu. Nanana Nema Jatikanya. Si tu n'as pas bien fait, tu vas. Il va voir là, tu vas laisser les routes. La Shiratal Mustaki. Wanakaram, il me laisse pour prendre les filles, laisse-le, pour chasser son Dina. Pour trouver l'argent. Parce que franchement, quand il va vous donner beaucoup d'argent. C'est même pas. Et puis, le fils, il est petit de forme. Je dis, c'est que son zéni, il est petit. Est-ce que tu vois? Mais on dirait que le zéni qui est rentré dans son corps, là, c'est pas pour lui-même. C'est pour son papa qui est rentré, c'est lui. C'est qu'ils sont mélangés, les zénis sont mélangés des peaux. Et moi, donc, il sera bémi, mané. L'air qui est tombé sur lui, c'est un zéni qui boit un café noir. Après, pour coller, qu'il faut ta conférence, Philippe. Moi-même, je marche comme ça, puis c'est ça que les gars me supportent. C'est court comme ça, on dirait qu'on prend un film de... Ça me frappe encore. J'ai ressorti, ça me frappe encore. J'ai vu partout, ça me frappe. C'est mon femme. Mon femme, seul qui sera. Moi-même, j'ai oublié tous les surates même que moi, je connais dans mon cœur. C'est mon femme, seul. Wallahi billahi. Qui est lui? Aïe, t'as le courrier là. Pour me sauver. C'est elle qui est devenue mon sauvage. Sinon, je suis foutu comme ça. Tu vois? Hein? Ça, mon femme. Qui va m'en sauver? C'est pas bon. C'est lui qui est devenu mon sauvage. Bon, Korabo. Si tu estimes, malgré tout ce que tu es en train d'expliquer là, que ce que tu as fait est bon, mais il n'y a pas de souci. Ah, c'est la réponse que tu me donnes. Encouragement et félicitations, il faut continuer. Ah bon? Ben oui, chef. C'est ça que tu me donnes. Mais de te dire quoi? De me dire quoi, comment? L'islam l'a dit quoi? Kabore. L'islam n'a pas dit que quand tu vois qu'elle est dans la nuit, il faut l'aider. Ouais. Alors, nous, on est décidés, voilà. On est décidé maintenant de chasser la génie. Mais allez-y. Allez-y. Ah, c'est ça que tu dis. Mais oui, je vous encourage. Puisque je vous dis d'arrêter, vous estimez que je suis contre votre bonheur. Vous estimez que partout où il y a vos intérêts, moi je me pose à ça. Ok. Allez-y. Si tu dis ça, c'est pas bon. En fait, hein, faut bien nous regarder. Nous tous, on est les musulmans. En bekou, la ilaha illallah. Mohammed Rasulullah. Sallallahu alayhi. La ilaha illallah. Mohammed Rasulullah. Otawa. Donc, ni ni fola kaba, ni la nebe saka kounou. Si tu penses, si tu crois de les jours de l'élection, ni la nembe, si tu crois autour du message, est-ce que là il a la tawhid? Alors, ni si la maille, autour, ben, on va fermer cette barbe. Et puis tu es dans notre communauté. Cette barbe? Voilà. Ça veut dire quoi? Les barreaux là, tu connais pas français, tu comprends pas français. Barreaux. Les barreaux, c'est ça qu'il a dit. Voilà. C'est français. D'accord, ok. D'accord. Mais les barreaux. Les barreaux, quoi. C'est-à-dire que toi, tu appales, moi, tu appales. C'est le parlement, c'est la barreau. D'accord. Voilà. Ok. Dino peut me retourner au Robé. Pourquoi, mais il y en a un monde. Il connaît pas. Dino peut me retourner au Robé. Et que l'on connaît. Yoro ou Yoro. N'est qu'un dans notre pays, dans notre communauté. Yoro, partout c'est le Dina. Non, carrément aussi, nous les carrément, non, nous voulons caloy, caloy, assez, cassé, on n'a pas s'arrêté sur nos pieds. Hein? On va s'arrêter là un matin. Là, il a. Eh, Kabore. Oui. Regarde ce que je vais te dire. Regarde, Kabore, pardon, à partir d'aujourd'hui là, moi là, il faut me lever. Kabore, faut pas y m'en battre, mais moi je suis plié. Quel est là? Quand il était dans ma car, il est en train de me jouer là, t'es pas là. Non, non, hey, je suis pas dans ça. Y'a moi là, peu. Où je suis ici maintenant là? Tu me regardes maintenant. Un moment donné, moi, j'ai pensé même que j'étais niqué à moi déjà. Il est le Mohammed Rasulullah. Non, non, non. En cadavre maintenant. Commencez, on va terminer. C'est bien. Il est pas. Mais de quoi je parle? Bon, on va faire ça. Moi, je serai chez moi à la maison. Toi, tu fais ça. Et puis après, on se retrouve. Est-ce que, Bibi là, si tu as quelque chose qui est rentré dans la communauté, à Payor, les jeunes, ils sont partout. Moi, je ne sais même pas où ils sont. Il y en a partout. Moi, je ne sais même pas où ils sont. Je ne sais pas où qui est. Et je ne sais pas pourquoi ils sont là. Qui ça? Les jeunes là. Ah, mais Yorobé. Les jeunes? Oui. Tu sais pas. Les quoi, les jeunes? Les jeunes, nous. Ah, on fait infester le monde. Tu ne sais pas pourquoi ils sont là? Je ne sais pas. Ah, mais maintenant, là, il y a trop de gens qui n'aiment rien. Mais ouais, nous sommes nyanamanyanama au béolo ladron. Les jeunes aussi, ils viennent sur les mains. C'est eux qui. Ah, au cacha. C'est eux, les jolies femmes là, qui en est là. C'est ça que les aînés aussi sont nés pour venir ici. Ils sont quittés et les sangolos là pour descendre. Nous disons la maloye, nous disons greffe, il m'a ça là. Ou puis pour vous qui viennent. Ben que Dieu nous aide. Hein. C'est vrai que, comme tu le dis là, Kabore, oui. Le phénomène là, il est de plus en plus présent autour de nous. Hein. C'est-à-dire les djinns, 1, 2, 3, telle personne a un problème de djinns, 1, 2, 3, telle personne a un problème de djinns. Bon. Moi, mais je vais aller payer aussi. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça là, c'est que. Il y a vraiment à s'inquiéter quoi. Ah, ça c'est un. Et puis faire attention aussi à un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est pas fortuit hein. Oui, moi, ah mais Minkela Lando. Bon moi je vais vraiment, je vais me confier. Je vais me confier vrai de vous. Même si on boit la paix. C'est qui est Kabore. Oui. C'est entre nous. Oui. Un jour je t'ai montré une photo de mes filles là. Elle est là. Imam. Comme tu es imam, tu viens de Okenye, voilà, je prends les filles là, je vais dans l'hôtel. Ah, connais-tu Okenye? Voilà, c'est ça. Quand j'arrive, il va dire, en même temps. Dans l'hôtel là? Oui. Vraiment, tu sais qu'à fort. Il est tombé en tenance. Et dis-le, c'est le djinn. On peut y rouler. Fanny, lance coup de poing ici. Lance la pied. Ça, ho. Fanny, ne bois la fenêtre. Moi, je suis sorti un kilo. Ah, vraiment, c'était pas facile. N'était bon au bail. Ça coûte ça avant quand on a passé carté, les enfants ont dit Abou Kilot, c'est facile. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. C'est pas que c'était deuxième étage. C'est la bidota ou trop qu'on a. J'ai failli me faire la malle. Oh, oh, Ça, les nampas, tu cries à bout kilote, à bout kilote. Tu vois, bon, allez, ne ferai pas la somme. N'était bon, on paye. Tu perds ton argent de hôtel. Moi, j'ai tu n'as pas trouvé rien. J'ai tout perdu. Les dînes sont là. Kabore, oui, je veux dire, c'est plutôt Korabou. Ça m'a trop fait mal, voilà, les jours là. Mais Korabou, ça m'a trop fait mal. Korabou, c'est gâter mon argent comme ça. Ramina Kobe, Kahamina Kunyami, c'est sorti des fenêtres. Kanabe Outrou là, Kahou, Bissi Outrou, Kahou, Pau. Ah là, quelle douleur la dîne me fait. Ah là, Korabou, hein? Tu sais, quand on ne reste pas tranquille, oui, on tombe toujours sur des situations comme ça. Comment tu vois, Dieu pouvait me sauver dans ça là quand même. Et puis tu vois, Korabou, tu dois te gêner de me dire des choses comme ça. Tchoy, vraiment, tu sais, vraiment, il faut avoir un peu de pudeur, quoi. Pudeur, c'est quoi? Un peu de pudeur, c'est-à-dire, il faut avoir un peu honte quand même. Parce que, tu vois, mais je veux dire, on n'a qu'à se respecter, quoi. Pour quelqu'un qui se respecte, il y a un certain nombre de choses là, vraiment, tu ne peux pas te permettre de dire ça aux gens. Mais regarde. Oui. Toi, tu prends une fille, et regarde ce que tu me racontes, que tu vas avec elle à l'hôtel. C'est ta femme. Aïe, lui, il ne connaît pas ça là, Obé. Elle est mon courant, elle est là. Tu m'as donné les paroles. Nous, on parle de le phénomène qui est dans les djinns. C'est ça qui est le problème. Au quoi ça? Lui-même, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, regarde les questions qu'il pose. Et il devrait, si c'est mon femme, moi, je vais prendre mon femme pour partir à l'hôtel. Ça, c'est haram. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas manquer lui de reste, pas juste que c'est pour être haram. Haka. Moi je ne rentre pas où il y a haram là. Haka. Moi c'est un bon musulman, je ne rentre pas dans haram. Bon, Kabore. C'est pas un seul fille à côté. Korabou. Java. Korabou. Oui. On arrête là. On peut pas arrêter. On peut pas. Non. D'accord, donc vous faites une bonne nuit ou passez. Non, et tu peux pas partir. Pourquoi? Non, on se respecte ici. L'ongo l'amène là. Non. On vient s'asseoir ici. Je peux pas continuer dans vos conneries là. Je peux pas. Connerie. Non. Connerie. Non, il ne va pas falloir qu'on connerie. Non. Ne m'en fais une femme. Est-ce que tu sais qu'il peut commettre quelqu'un? C'est toi qui es l'imam de Nenma Mizil sur le Halbiou. Il dit homme qui a Alabini Yinengere. Mais il est Nanyinéa. Moi, je tout écoute. Hé, Kamore. Dieu va pas m'introduire sur ce que tu as fait. Non, mais Dieu est tête. Et que tu as fait quoi pour ça? Kamore. Moi, j'ai tout dit à l'imam. Ouais. À quoi de ça, je me mets pas Allah dit quoi? Yoma la tam likun li nafsin shay'a. C'est-à-dire le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre. Ok? C'est le jour du jugement dernier. Si toi, tu vas faire ce que tu as à faire, si tu vas faire tes conneries, tu es responsable de ça, Kabore. Il a dit aussi, il dit dans les 5 coulées sur la terre, Calmez-vous. Il peut pas revenir. Attends, Dieu qui tient le sourd, mieux aveugle. Ah mais c'est vous deux. Et non, il toi là qui le sème malais, il qui l'endoyer. Mais c'est vous deux. Depuis un an, tu es mort, mais manque le respect. Voilà, si tu me manques le respect, tu vas partir avant pour l'air. Pardon, hey. Ah lui qui? Pardon. Ah Kalanaya, mon ne fera Kalanati. Pardon, faut pas faire toi me blesser encore. C'est bon, hey. Tu racontes des conneries, Kabore. Moi, ce que je voulais dire, imam. Oui. Faut que tu comprennes un seul. Kabore. Oui. Faut dire à imam. S'il veut, il veut pas, c'est son problème. Moi là, le jour des élections là. Le jour des élections de Dieu là. Quand on va faire les élections de Dieu, il m'assoit au fond là-bas. Avant ta main, il y en a entre vous. Il te met mon fait, tu es devant. Dieu il est en face de toi. Tu gères avec lui. C'est comme à l'assemblée. Moi je suis à la porte. Tu vois même là. Peut-être même, il n'y a même pas mes fatigues pour entrer dans la salle. Mais si il sale qu'on fait. Vous n'avez qu'à tout gérer, vous me dire c'est dans quelle salle je rentre. Mettez donc à régner bon là, tranquille. Vous m'envoyez les lettres. Masha Allah. Oui, moi mais... je ne vais pas me fatiguer. Déjà vous êtes en train de faire ça. Moi je cale avec le paparita, le frétini. Moi je suis devant la porte. C'est là-bas, ils passent pour entrer où? Allez, moi je prends ça. Ah, vraiment les pépé. Pendant que vous êtes en train de discuter, dit, ah, là, ne me gérez pas, ne m'écoutez pas. Après, ça, c'est l'île. Voilà. Allez, là, qu'on écoute. T'as vu l'imitat, t'es un hara, khalidine. L'année, là, on a un ou. Ou alors, on a un ou. J'allais que l'imam gassi, rabat. Voilà. Tu as vu, vous êtes en train de vous. Là, on a un ou. Allez, ene kelen pe muso bi woro mina wan garam ah ajema tranquille akabu si se jendim be le fauteuil rambouré climatiseri voilà il y a l'air là bas tout ça là mon kelen faut pas quelqu'un votre samedi douter ou ben kana itite ka c'est un blabla chamalo masha allah je vais pas pour babader en tout cas kala nous accorde à tous le paradis chalo quand on arrive là bas je vais jamais dire quoi que ce soit je ne peux pas me permettre de porter quel jugement que ce soit subhanallah ce allah est juge. Mais Kabore, oui. Mais il faut prendre le chemin qui mène à ce que vous êtes en train de dire. C'est quoi on parle? On est en train d'aider les très bien. Lui, il dit qu'il est allé avec une fille. Oui. Mais de toute façon, on va revenir mais avec ça. On va marquer une pause. Ah. Et puis on va revenir à ça. Okay. Il y a tout des élections là, ça va se faire. Chez Orange, nous pensons que vos transferts d'argent devraient vous rapporter gros. C'est pourquoi nous vous permettons de gagner de nombreux lots. Du 7 juillet au 7 août 2015, envoyez directement de l'argent à partir de votre téléphone, cumulez des points et tentez de gagner des smartphones, des TV plasma, des home cinéma et le super lot de 12 millions de francs CFA, répartis en 1 million de francs sur 12 mois. Gagnez change avec Orange. La vie change avec Orange. لنقبل بقلوبنا على الله لا خوف ولا حزن لمن هداه حبله متين لا يندثر رزقه دائم لمن يفتقر في كل مكان زمان فوقك رب عظيم يرعاك في أي مكان وأي زمان لك رب يحبك لن ينساك أما زلنا أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله علينا أما زل أما زل نخشى أما زل نخشى أما زل نحمد ما زل نسينا أن عباد Tu as senti ça? Tu le connais? Oui, c'est la petite fille là, maman T. Ah, mais n'y a pas de tchèque là. Mais comment tchèque? Toi aussi, faut pas faire ça, faut pas faire comme. Et tu comprends pas, c'est ça que j'ai te dit. Toi, ta oreille là, faut nettoyer ça. Mais j'étoie. Hein? Bien, j'étoie ça, ça. Bien. Ah, en tout cas, tu peux pas faire tout à moi. D'accord, de toute façon, ça c'est entre vous là-bas. C'est entre nous comment? Toi, tu n'as pas écouté ou bien? Mais et puis après. Mais tu as écouté quelque chose. Non, tu ne peux pas accepter ça. Korabu. Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas dire que c'est entre nous. Tu vas dire que ça marche. Korabu. Oui. Quand tu connais pas quelque chose, oui. Tu t'informes là-dessus. C'est tout. C'est ça que tu veux dire. Au lieu de raconter ta vie. Quand tu connais pas, maman t'es, tu dis maman t'es qui a chanté ça. Mais tu veux que moi j'en danse. Et puis ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Non, c'est bon. Alors, mais il faut qu'on recadre les choses, hein, Kabore. Oui. Tout à l'heure là, avant que Kora Abou n'arrive, tu étais en train de citer un passage, là, le verset 5 de la sourate Bayyina. Ouais. Où tu disais Ba'adaouz la Mishonazim, wa ma umiru illa li abudullah mukhlisin lahu dina hunafa'a, wa yuqimu salata, wa yu'tu zaka. Tu vois, toi tu regardes, et puis, mais d'accord, mais avant ça là, Allah a dit, illa li ya'budullah mukhlisina, al-ibada, l'adoration d'Allah. Ce n'est pas seulement la zakat, ce n'est pas seulement la salat, ce sont des éléments parmi tant d'autres, mais c'est peut-être des éléments très importants dans ce qui constitue l'acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne peux pas regarder cette succession-là pour limiter l'adoration d'Allah à la zakat. Mais il faut te rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam, n'est-ce pas, repose sur cinq choses. Il a parlé de la foi, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Il a parlé de l'accomplissement de la salat, il a parlé du fait de donner la zakat, il a parlé du jeûne, il a parlé du pèlerinage à la Mecque. Ce sont des piliers. Quand on parle de piliers là, ce sont les éléments qui soutiennent un édifice. Par exemple, le grain dans lequel on est là, c'est une maison. Oui. Ok? Mais il y a les piliers qui soutiennent le toit et autres là, mais au-delà de ça, il y a les murs. À l'intérieur, il y a un décor, etc. L'islam aussi, c'est comme ça. Hein? Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Si on limite ces deux éléments-là à l'adoration d'Allah, ça veut dire quoi à la fin? Toi, tu n'as pas les... Toi, tu fais la zakat? Tu es en train de faire du bruit, là. Oui, c'est ça, la religion, la prière et la zakat. Toi, tu fais la zakat? Mais oh, t'es au doigt dire, ils ne m'ont fait pas la zakat. Ah, mais tu n'as pas les moyens de faire la zakat. Alors, si l'islam doit se résumer à la salat et à la zakat, tu t'imagines, Gabonais? Bon. Que Dieu nous aide. Ouais. Maintenant, le problème dont on est en train de parler, d'abord Koro Abou. Koro Abou, moi je dis, il y a un certain nombre de choses quand tu fais. Oui. Toi, tu sais que c'est pas bon. Il faut en avoir honte. Même s'il n'a pas honte de nous, il faut avoir honte de Dieu. Il est à la quota. Et puis tu te donnes le plaisir d'aller raconter aux gens. Il est, toi tu as pris une fille, tu es allé à l'hôtel. Et c'est le travail des gens. Oui, moi j'ai fait ceci, quand j'étais jeune, j'ai fait cela. Mais attends, quand tu sais pas que c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui ne plaît pas à Dieu, mais il faut avoir un remords pour que Dieu puisse te pardonner. Tu vas aller le mort pour que Dieu te pardonne. Ah, c'est que quand on retient bien de Dieu, on ne m'a qu'on le dit. Il y a des gens qui ne vont pas avoir le mort. Je n'ai pas parlé de remords. J'ai dit remords. Il faut regretter. Il est nimi ça. Ah ouais, faut te. Ok? Oui, oui. Bon, moi je comprends pas. Et puis en plus je lui dis, mais attendez, moi j'aurais compris que tu me dises pas, ok. Madame, tu dis, si c'est madame. Allez, frère, quand on est né, donc, mais je te dis, Kabori, oui. Donc si c'est pas une bonne chose d'aller à l'hôtel, mais pourquoi lui-même il va? Anaï, tu as posé une question, c'est parce que je suppose que tu connais rien. Hein? Voilà. Ni Kaye, comment ni Foualani, à la vie, il cherchait quoi? C'est pour te dire que Dino, oui, au pichon groupe, au pif. C'est ça qui mais juste ça va prendre le jeu. Ne laisse pas ça. Ah. Mais lui, il partait chercher quoi? Il sait ce qu'il partait chercher. Maintenant, l'autre chose qu'il faut voir, c'est ça. Ouais. Vous rencontrez n'importe qui, n'importe comment. Et n'importe comment aussi, vous voulez vous approprier toutes les femmes. Vous ne les connaissez ni d'Ève, ni d'Adam, parce que vous les voyez belles. Machallah. Mais c'est qui en bas là, il a vu ça? Elle a dit, malabaré, comment ne parle-t-il? Tu es musulman. Quel est ce qui est en bas? Il est voué ça. Non, non, écoute, non, non. Non, faut arrêter tes conneries là. Attends-toi, moi j'ai parlé conneries. Non, faut arrêter tes conneries. Et dis ce qui est en bas là, elle a vu ça. Non, je veux dire. Non, je veux dire. Tu vas dire que. C'est une façon. Oui, à ma femme. Non. Il faut arrêter vos conneries. Non. Ce que, je veux dire, ouais. C'est une façon de dire ce qui est derrière ça. Il a vu. Pour dire quoi, en fait, derrière la beauté, là, hein, il allait se laisser surprendre par des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Imam, voilà le okay? conseil. Mais comme ça, là, facilement, on peut trouver la mort dans ce genre de choses-là. Voilà le conseil que Kaboré m'avait donné. Kaboré m'avait dit que si c'est comme ça, là, que de prendre 15 francs pour partir payer les djinns, moi aussi, je vais mettre sur moi, comme ça. Quand ils vont venir, moi, je vais les combattre aussi. Voilà. Parce que moi, je vais ça. Sungri de nous, ane kamele de nous, et bien Willy, tu t'en vas à cette djinn. Voilà, l'année 10 minutes, casse la bébé sirène. Oh, djinn, la bébé sirène. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est devenu une tendance, malheureusement. C'est devenu une tendance dans certains milieux. Oui. Oui, il y en a qui vont, ils achètent la possession par le djinn, ou bien encore, ils vont faire, c'est l'impact pour avoir le pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir de ceci, pour avoir de cela. Oui. Mais après, là, ça se termine comment? Après, là. Ça se termine par quel résultat? Il y en a qui ne respectent pas le pacte. Et puis, il faut comprendre que la vraie force, là, le vrai pouvoir, là, la vérité, là, ça appartient à Allah. Ça appartient à Allah, ok? Mais vous vous engagez dans ce genre de pratique-là, mais pour avoir quel résultat derrière, ok? Donc, moi, je dis, je pense que c'est l'occasion ici, là, de donner des conseils vraiment à nos sœurs. Ah, il faut les donner des conseils. Surtout les femmes qui aiment aller se mettre dans ce genre de choses-là. Mais malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas compris le sens réel de notre foi. On ne sait pas qui est Dieu. Okay. On ne sait pas la réalité de ce qui nous lie à lui. Et puis, on s'engage dans ça. Mais vous-même, Kaboré, oui. Tu vois, Wurignini qu'on y est, mais de là à mettre sa vie en danger, je pense que ça aussi vraiment, c'est vous avez dépassé toutes les bornes. Kabori, la Rukiyala. Oui. La Rukiyala. Mm-hmm. Si tu connais pas là, faut pas t'engager. Parce que tu vas aller de. Tu veux dire, tu as donné un certain nombre de choses. Tu crois que c'est seulement le fait de lire le Coran? Non, Ambo, regarde. Il y a, quand la fille est venue, donc, Juan Carlos n'était pas là. Il est même jour là. Amala. Quand j'ai regardé, d'abord, il m'a mis ici, où les mains m'indonnent. Amaï. N'y a pas de mains, mais c'est Fimando. Est-ce que tu vois? Vraiment, c'est connais, le vraiment des histoires comme ça. Parce que Wilema, Amani, le rouge. Mais Kabore, mais Afima ou à Wilema ou, quelle est la différence? Kabore même qui a fait Zéli là m'a frappé. Il y a Zéli là, c'est son tout thème qui est messe. Parce que quand il me frappait là, nous m'a mangé là. T'en kate, ma foi, merci toi. T'en kate, ma foi, merci toi. Ah, à Kabara Lanka. Non, mais ce que je veux dire, ouais. Ce que moi je veux dire au bout du compte là, ouais. C'est que Kabore, il faut arrêter ça. Il faut chercher à faire autre chose de plus propre, de plus tranquille, de plus sécurisant. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais s'il avait tordu le cou à Korabou, ne bourlade Allahu Akbar, quand il a tenu web, un quelqu'un qui a eu un manga, mais quand il a crié, le cadou qui berbère, quand moi je vais faire ça, c'est le musée, et puis je vais rester. Comment tout à je fuis. Quand tu fais parler avec quelqu'un, tu le vois comme ça, là, c'est mieux. Mais quelqu'un, tu cours. On dirait qu'il est dans toi en train de courir. Tu cours, il te frappe. Tu es arrêté, il te frappe. Tu sautes, il te frappe. Tu couches, il te frappe. Tu découches, il te frappe. Quand la vie dit bien bon, il a versé tout. Avec Orange, échangeons sur les faits de société pendant l'émission Au Grain du samedi. Bon, donc c'est pour dire que tu vois, c'est dangereux. C'est dangereux. Chacun a son travail. Il faut laisser à chacun son travail. Ça, c'est un. Mais l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Il y a plein de personnes aujourd'hui là qui s'érige soit en Karamoro ou en Raqib pour dire que voilà eux il y en a beaucoup l'Europe tu vas trouver non niveau qui est niveau qui est niveau qui est c'est ça non mais nous tous quand même on peut pas laisser comme ça les voilà croisés hein c'est ça aussi à nous faire un talent taquin mais ça n'a pas marché sinon c'est partout l'Europe tout le monde fait Wolikia et il y en a qui vont venir et ils vont aller voir quelqu'un lui il soigne ou il fait envoyer tel nombre de pagnes. La femme va envoyer. Il faut envoyer tel gramme d'or. La femme va envoyer. Il faut envoyer ceci. Mais okay. Elle va se vider de tout ce qu'elle a. Et elle n'aura pas un seul résultat par rapport à ce qu'elle recherche en termes donc de libération ou de guérison. Est-ce que tu comprends? Moi, je dis que il faut faire vraiment très attention. C'est vrai qu'il y en a qui sont en tout cas sincères. Les actions, ça se voit. Quelquefois, même c'est instantané. Mais il faut faire attention aux gens. Il faut analyser leur pratique. Parce que, mashallah, il y a un type de personne là, quand vous êtes une femme surtout, que vous allez les voir et que vous leur dites que voilà, que vous avez un problème de djinn, mais lui, il avait en même temps un coffre fort. Le jour où il est moisi, il vous appelle. Soit il a fait un rêve, ou bien il a vu ceci, ou il a vu cela. Il faut faire tel sacrifice. Mashallah, vous allez continuer ça, vous ruiner, et puis vous n'allez rien avoir. Mais demain là, vous allez répondre ça. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il faut pas t'engager dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, aussi, ce qui fait que ce genre de choses-là se développe, ce sont les pactes. Oui. Ah, si c'est pacte, là, il y en a beaucoup maintenant. Hein. Si c'est pacte, là, pour gagner l'argent, là, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ceux qui font avec Guine comme ça, là, c'est pas mieux que garçon qui se fait femme, là. Oui, mais c'est ça même qui est versé partout maintenant. Mais tout ça, là, c'est dépendant mystique. Justement, c'est moustique. J'ai dit mystique, ça dit je sais pas comment. Non. J'ai pas dit moustique, j'ai dit mystique. Gundo, c'est le Gundo. Voilà, c'est le Gundo, tu as bien dit. Gundo, c'est un mysticien. Non, c'est pas. Il y a les gondos qui disent, moi, je n'aime pas ça. Ah, vous êtes là. Le Gundo, il est mystique. Est-ce que quand le petit fils était frappé, d'abord, parce qu'il a fait plein de responsabilités. Comme à Kaye, on a vu que les gens, ils font les Wusna. Allez, t'as là, Missy Boyini, les caca de bœuf. Il a fait un ménage et puis il a mis les filles. On comprend les kata. Allez, il a fourni là. Lui, il a vomi. C'est ça qui a donné les forces à la fille là-même. Qu'est-ce que c'est ça qui cherche le djinn? Et toi-même, tu t'assois dedans à Otissi. N'y a kata. Jusqu'à les voisins, s'il te plaît. Lui-même, il a t'assois dedans avec Fourona. Moi, pas nier même. Ah, tu vois. Parce qu'il y a ça aussi, on dit le Wusna pour chercher les djinns. Bon. Oui, mais en fait, comme je le dis, hein, tu sais, en toute chose, il y a le vrai et puis il y a le faux. Ok, c'est vrai qu'il existe des encens et tout ça, que les laqis souvent donnent aux gens pour pouvoir se mettre à l'abri d'un certain nombre de situations. En tout cas, nous connaissons qu'à l'oncle, Falibo le bac. Mais lui, allez, t'as là, lui, les patrons. C'est le Falibo, il y a ce qu'il dit. En tout cas, je sais que les gens utilisent les caca de Anne. Toi, tu as vu ça où? Hein? C'est, en tout cas, vous pouvez faire filmer et mettre les trucs comme ça. Et puis, parce que, tu sais, nous. Jamais t'es là. En tout cas, nous connaissons les temps. Et c'est voyant. J'ai le choix, c'est d'ici. C'est Kaoré. Oui. Il faut faire attention. C'est vrai que quand on parle et que tu parles de ta situation au paradis, moi j'en ris. Bon, je sais pas si c'est parce que tu crois vraiment à ça. Oui. Ou si tu dis juste pour, je sais pas, pour amuser la galerie, mais fais très très très très très attention, Kaboré. Tu vois, les excréments d'un âne, en quoi ça peut. C'est pas ton excrément. Atafao, abo, c'est ton caca. Ouais, c'est, oui, comme, c'est ça qu'on dit. Comme ça on appelle ça en bon français. Quoi? Caca là, on l'appelle les excréments maintenant. Moi, je connais pas excrément. Excrément, c'est crégueté. Allez, c'est comme ça. Deux jours, c'est comme ça, il me fait ici. C'est même si je comprends pas français, comment. Si tu as un mouton, c'est quoi? Si ça te va. Hein? Arrête de ça, moi, tu peux pas me blaguer comme ça. Corabo. Oui. Je sais que le djinn qui t'a chicoté là, il a déplacé beaucoup de choses dans ta tête là-bas. Non, je comprends, à l'intérieur là-bas là, plein de choses, je sais pas, on va. C'est bon, moi. Ah, plein de choses ont été dérangées à l'intérieur. Je comprends un peu, je comprends. Faut que je te soigne. Va m'afficher, je dis plus rien. Mais en fait, hein, sur ça, il faut faire vraiment l'effort, n'est-ce pas, de faire aussi beaucoup de surfaire, Kaboré. Parce que tu vois, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu dis aux gens que tu peux faire. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas d'aider la personne, mais c'est toi-même t'enrichir. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Ça, c'est un. Et d'autre part aussi, tout à l'heure, là, je parlais des pactes, non? Oui. Hein? Oui. Et il y a des gens dont les parents ont scellé des pactes avec des djinns, donc ça les suit. Il y en a qui ont été mariés. Oui. Bon, par ailleurs aussi, non, manine, tout à l'heure, là, vous avez parlé de mèches et tout ça. Souvent, nos soeurs se promènent la tête nue et tout ça. Eh bien, et d'après les raqis, les djinns sont très sensibles aussi aux cheveux des femmes. Voilà pourquoi on demande à nos sœurs de se voiler et quand on le leur dit, elles pensent que ça va entraîner. Il faut faire ça pour Dieu. Et Dieu apportera sa protection. Inch'Allah. Et c'est vrai aussi la fréquentation de certains endroits. Par exemple, la mer, souvent, on se lève, on dit, on s'en va à la plage. Mais il y a plein de sœurs aussi qui se sont fait posséder comme ça. À la plage. À la plage. Parce que ça aussi, c'est un lieu de prédilection, n'est-ce pas, des esprits. Hein? Et souvent, en brousse aussi. Ou quelquefois même, ça peut être un arbre où les gens vont élire domicile. Tu fais pas attention. Donc, il faut faire très attention souvent. Et surtout sortir à certaines heures de la nuit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ok? Oui. Sortir à certaines heures très tardives de la nuit, oh, et seul, et puis dans une certaine posture vestimentaire là, oui, ça, il faut faire attention à ça. Allez, ne me brûlez la quoi. Et tout me doit les ibé, tu vois les cerfs. Voilà, c'est quand il y a cabo et le soleil. Mais il me retient, c'est bon quoi. Quand il parle, non, continue les bacs. Si les garçons s'appellent comme ça là, on croit qu'à doyer, hein, quand sous une foule à courir, tu fous une tournée. Mais si il laisse les femmes là, quand il est, hein, il a marié deux femmes. Mais deuxième fois, là, c'est là où il y a là. Allez, abé, attaque. Premier, c'est ça, là-bas, à courir, tu fous. Jajina le bouquet là. N'y a pas de bouquet. Ne mouvez les messagines. Doit y aller, ils sont jolis comme ça. Montez pas quoi. Oh, mais si tu fais seulement, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ne sais quoi là, l'oukoura. Tout ce rendez-vous, les vagueliers. Jine va te frapper. Ah, bon, voilà. En tout cas, hein, il faut faire très attention. Il faut faire très, très, très attention. Oui. Surtout, il y a des gens, oui, qui sont de très grands coureurs de jupons. Eux, toutes les femmes qui voient les intéressent. Pourquoi? Ils ont vu une femme aujourd'hui. Ils veulent d'elle aujourd'hui. Ok? Oui. Mais ça, c'est très risqué. Imam. C'est très risqué, mais quelquefois même, la personne même que tu es en train d'aborder, là, mais est-ce que c'est un être humain en bus aussi? Hein? Ah, tu sais pas? Mais oui. Et voilà pourquoi vous allez voir. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent à certaines personnes. On se dit, non, on comprend pas, on attribue ça à des choses et tout ça. Mais il y a tout ça là-dedans. Vraiment, faisons attention. Non, Konabo. Oui. Toi, tu parles de Dinoro et toi-même. Mais et toi-même. Tu ne viens pas tout de suite là de raconter une histoire te concernant. Oui, c'est ça que j'ai. Mais alors, mais au lieu de parler de Dinoro là, mais faut penser à toi-même. Vraiment, quand on dit de se ressaisir. Je sais, j'ai honte même. Ta honte de quoi? Toi, tu connais la honte. Oui. Toi, tu connais la honte, Konabo. Je vais commencer à connaître maintenant. Ah, d'accord, je l'espère en tout cas. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Tu l'espères? Oui, je l'espère. Ah, Dieu merci. Faut l'espérer. Voilà. Voilà, Karab. Ici, c'est la Wali. J'avais 100 pédrole. Et dit le jour que tu arrives à 100 pédrole, il faut arriver celui là-bas. À côté. Il n'y a pas de transport. Ah, c'est ce qu'il a dit. D'ici tu arrives à 100 pédrole, il faut arriver là-bas. Je dis, je n'ai pas de transport. Aïssa, t'as la volée? Oui. Ah, ok. Ah, c'est pas moi. Si il veut que j'amène là-bas, il n'a qu'à payer mon transport. Où tu vas chier? Imam, tu sais, petit là aussi, quand il fait thé là, c'est bon, mais il prend trop la temps. Où le mandiné a fait? Eh bien, c'est ça qui fait que c'est bon, là. Non, non, moi, je n'aime pas ça. Il n'a qu'à m'apprendre la série. Bon, tu es taille, Kengouba. Moi, tu n'aimes pas. Mais, et puis, tu sais, je ne vous comprends pas. Bon, tu vois, il va brûler ma main maintenant. Fait, mais Korabou, c'est ton deuxième verre de thé? Oui, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais toi, tu as cotisé ici combien de fois pour faire le thé là? Ah, c'est comme ça que tu me dis. Ou toi, t'as cotisé? Moi, je me déplace. Je viens boire le thé ici. Tu dis pas Dieu merci. Ah, imam, là, il a non, mais Korabou, pardon, faut plus venir boire thé ici. Ah bon? S'il te plaît. C'est ça que tu me dis? Oui. J'ai dit, je viens boire thé ici à quoi? Enlevez mon nom dans le Coran. Il n'y a pas de soucis. Oui, enlevez mon nom dans le Coran, c'est fini. Il y a Wan Garam dans le Coran. Il ah, faut lui demander. Hein. Vous enlevez mon nom dans le Coran maintenant. Vous avez compris? Il faut lui demander. Donc, tu demandes si il y a Wan Garam dans le Coran. Donc, quelle parole on parle dans le monde là? Dieu n'a pas encore parlé. Ah, donc, toi, tu as sorti parole sans que Dieu a parlé. Non, réponds. Ouais, n'est pas la ah, non. Ah, je réponds la question à Imam. Mais la salle d'arrêt. Imam, toi tu as créé parole, Dieu n'a pas encore parlé, il ne peut pas répondre. Non, mais peut-être que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Voilà, c'est pour vous dire que si vous faites comme ça, j'enlève mon nom dans le Coran même. Bon, ok. On va essayer de rentrer. On va rentrer ou on va essayer de rentrer? Non, non, mais c'est une façon de dire la même chose, ok? Non, pardon, faut voir, tu peux trouver 1000 francs là. Mets encore des maya que nous avons, c'est même plus là. Non, non, moi je ne donne rien. Quoi la bandit? Parce qu'on ne sait jamais ce pourquoi tu as utilisé l'argent là. Donc moi je vais pas me fatiguer pour ça. Non, tu sais que c'est imam. Imam le grand. Tu sais tout ce que les gens là, tu vas les demander. Obena Mukini Waleni. Tu vas pas trouver les réponses normales. Non, non, mais je sais à qui je dis ça. Imam, pardon. Je sais à qui je dis. Tu as changé comment? Tu t'es déjà dit que j'ai changé. Toi-même tu as dit de changer. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Bon, je vais voir. Je vais voir. Obena Dama Obe, tu vas voir. Je vais voir. Sinon Mokhtar vous salue. Il est où? Ah, Mokhtar t'as la macao. C'est ça. Peut-être que lui, il est allé à la farine vraie là-haut. La dame là. Les arabes qui vont Mwami là. Hein? Magula. Magula Mwami. Elle a vu tout le petit. Oui, la femme arabe qui est là-bas là. Les mecs là. Elle vend les Mwami, les Takula là. Mokhtar là est à l'heure de mecs. Korabou. Magulani. Oui. Tu peux nous prendre un peu au sérieux. Ça veut dire quoi? Non, je te demande de nous prendre un peu au sérieux. Parce que tu penses que j'ai mais une femme arabe qui s'appelle Magulani. Et toi tu connais pas Magulani? Tous ceux qui vont les mecs, demande-les, tous ceux qui vont là-bas. Et il y a une femme arabe là-bas qui vend les Takula, qui vend les Mwami. On l'appelle Magulani. Ok. Comme Rotala est parti, c'est la femme, il est bon, c'est bon. Kaboulé, on va rentrer. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين faut pas changer si j'ai changé d'accord salam. L'émission Au Grand du Samedi vous a été offerte par Orange.